L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comment savoir si une supernova par effondrement de cœur, ce qu'on appelle une supernova de type 2, explose de manière symétrique ou bien asymétrique? C'est une question que se sont posées les astrophysiciens et à laquelle ils ont pu répondre en montrant que l'une des plus célèbres supernovae, SN1987A, avait explosé de façon totalement asymétrique. La supernova SN1987A est célèbre car c'est la première que l'on a pu étudier de près avec des instruments modernes. Elle se trouvait à une distance faible par rapport aux supernovas que nous observons habituellement. 168 000 années-lumière, une paille, car se trouvant dans une galaxie satellite de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan. On se souvient aussi que SN1987A nous a permis de détecter nos tout premiers neutrinos en provenance de l'extérieur de notre galaxie. La question de la symétrie de l'explosion peut sembler sans grand intérêt, mais au contraire, c'est une information très importante pour mieux comprendre ce qu'est vraiment une étoile en fin de vie. Quand une étoile s'effondre sur elle-même, car l'énergie dégagée par la fusion de son cœur ne permet plus de compenser sa propre gravitation, l'implosion qui va mener à une étoile à neutrons ou un trou noir, suivie d'un rebond destructeur, produit une énorme onde de choc dans tout ce qui reste de l'enveloppe de l'étoile. Ce faisant, des réactions nucléaires inédites ont lieu, produisant quantité de noyaux d'atomes pour bon nombre instables, radioactifs, qui se désintègrent ensuite petit à petit pour mener à d'autres noyaux. Le résidu d'une telle supernova de type 2 comporte notamment une quantité importante d'un noyau radioactif, le titane 44. Le titane 44 est radioactif, il décroît avec une période de 59 ans pour se transformer en scandium 44, radioactif lui aussi, qui décroîtra rapidement en calcium 44. Au cours de la décroissance du titane 44, des photons gamma sont émis avec une énergie bien déterminée, comme pour tous les noyaux radioactifs, ou presque. Les deux photons gamma principaux du titane 44 ont une énergie de 67,9 keV et 78,3 keV. SN1987A n'échappe pas à la règle, ou à la théorie. Elle produit donc du titane 44, plus exactement 0,3 millième de masse solaire, ce qui fait 100 fois la masse de la Terre. Et les photons gamma, tout gamma qu'ils sont, n'en sont pas moins des photons, et comme tels, ils subissent les mêmes effets que n'importe quels autres photons, comme par exemple l'effet Doppler. C'est là que ça devient intéressant pour les astrophysiciens, car comme on le sait, l'effet Doppler est cet effet relativiste qui décale les longueurs d'onde en fonction de la vitesse du point d'émission. En regardant où se situent exactement les rays gamma du titane 44 détectés, qui sont théoriquement situés à 67,9 keV et donc 78,3 keV, rappelons que l'énergie est proportionnelle à la fréquence et donc inversement proportionnelle à la longueur d'onde. On peut donc connaître la vitesse des noyaux de titane qui ont émis ces photons gamma que nous détectons avec le télescope NuSTAR. Fiona Harrison, chercheuse à l'Université de Californie, a mesuré avec son équipe le spectre gamma en provenance du résidu de SN1987A et ils ont découvert que les raies de titane 44 n'étaient pas à leur place. Elles n'étaient même pas élargies, mais tout simplement légèrement décalées vers des énergies plus basses, donc des longueurs d'onde plus grandes si on préfère, ou encore vers le rouge. Si l'explosion de SN1987A avait été symétrique, l'enveloppe résiduelle comportant tout ce titane 44 se déplacerait en moyenne autant vers notre direction que vers la direction opposée. De tels mouvements produiraient sur les longueurs d'onde émises autant de décalage vers le bleu que vers le rouge, ce qui induirait au final un élargissement des rays gamma dans le spectre, qui resterait centré sur leur valeur théorique. Mais ici, rien de tel. Les raies sont bien fines, mais toutes les deux décalées vers le rouge. La conclusion est très claire. Le titane 44 du résidu de SN1987A se déplace en s'éloignant de nous à très grande vitesse. 700 km par seconde dans le référentiel au repos de la supernova. Cette mesure vient confirmer des indices antérieurs par des observations optiques de Hubble qui tendaient à indiquer déjà que l'explosion de SN1987A avait été asymétrique. Mais il faut maintenant parler de très forte asymétrie. Il faut comprendre que c'est le processus interne de l'explosion qui a été profondément asymétrique et qui s'est propagé ensuite au niveau du résidu. Des simulations numériques d'étoiles en train de s'effondrer ont été conduites au California Institute of Technology et ont montré que le cœur change de forme juste avant l'explosion, passant d'un cœur tout à fait sphérique à une masse informe et turbulente. Ces turbulences seraient produites par des hauts flux de neutrinos absorbés par le cœur. Les simulations montrent d'ailleurs que l'explosion n'aurait pas lieu si le cœur restait complètement sphérique. Les turbulences permettent d'aider les ondes de choc à se propager et ainsi à déclencher l'inévitable. Mieux comprendre l'asymétrie, en un seul mot, des explosions de supernova de type 2 permettra peut-être d'élucider pourquoi certaines explosions produisent une étoile à neutrons et d'autres un trou noir. Au fait, si le titane 44 s'éloigne de nous à grande vitesse, cela signifie que l'objet compact produit dans la supernova, étoile à neutrons ou trou noir, doit également se déplacer à grande vitesse, mais dans la direction opposée, donc en se rapprochant de nous. Cet article est paru dans Science le 8 mai 2015 et a pour titre 44 Titanium Gamma Ray Emission Lines from SN1987A. On va le faire en français. Donc, Reveal an Asymmetric Explosion par Boggs et al. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr et restez bien les yeux au ciel par ce beau temps et les pieds sur terre. À très bientôt.